Leçon 28, 28e leçon. Chez l'oncle André, première partie, Monsieur André Julliard se présente. Je suis l'oncle de Marie-Claire et de Guy. Je vous parle de ma ferme en Auvergne. Ma ferme est entourée de champs que traverse une petite rivière. La rivière est bordée d'arbres qui se reflètent dans l'eau. J'adore les arbres. Il y avait un magnifique saule pleureur au bord de la rivière. À côté d'un petit pont. Mais ses racines menaçaient les fondations du pont. Je l'ai fait abattre. Mais je ne me le pardonne pas.